La fête au village. Il reste une semaine avant la fête de Warrenton. Faustine est en train de vérifier, avec l'aide de Jack, l'état de ses petits paniers. Un petit coup de repassage ne sera pas du luxe. Elle s'y attelle quand le téléphone sonne. C'est une dame qui a lu sa publicité concernant un traiteur à domicile affiché au supermarché. « Bonjour, j'aurai besoin de vos services mercredi. Seriez-vous disponible ?»« Hi !» Oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un repas pour 6 à 20 heures, quelque chose de simple. Que proposez-vous? Faustine se souvient du succès de ses asperges chez la vieille dame sur la colline. Des asperges sauce hollandaise pour commencer, ensuite, vous aimez le poulet? Oui. Alors un poulet désossé, farci au foie et aux herbes, sur lit de légumes, accompagné de petites pommes de terre rôties. Magnifique, ça me plaît beaucoup, et pour le dessert? J'aurais proposé un plateau de fromage suivi d'une île flottante. Parfait. Vous pouvez venir à quelle heure? Je vous donne mon adresse. Le problème, c'est que ma voiture est au garage. Je vois. Je viendrai vous chercher, alors. Formidable. J'habite au 61 Blue Ridge Street. Entendu, je serai là mercredi à 10h. Nous ferons les courses ensemble. Merci de faire la liste. D'accord, ça sera fait. Un mercredi, donc. Faustine raccroche ravie. Décidément, quand le destin s'en mêle, les choses finissent vraiment par s'arranger. Cumuler un engagement au Napoléon, un job chez une cliente, plus un stand sur une manifestation, tout cela la même semaine, quelle aubaine! Pour couronner le tout, Franck, passé en coup de vent, a suggéré, puisque Faustine sera absente, d'emmener Jack à la pêche au bord de la rivière Rappahannock. C'est très exotique tous ces noms indiens pour les fleuves et les rivières. Jack accepte, ravi. Faustine aussi. Elle se met immédiatement à la composition de sa liste et enfin organise sa mallette. À 10h ce mercredi matin, les garçons sont partis depuis longtemps taquiner le requin marteau. Faustine attend sa commanditaire devant la maison. Celle-ci arrive à l'heure, tout sourire. « Bonjour Faustine, vous pouvez m'appeler Alissa. » Quelle femme magnifique! Faustine est fascinée. On dirait le sosie d'Ingrid Bergman. La très grande classe. Un grain de peau transparent, genre porcelaine chinoise, des cheveux châtains, coupe sobre, manucure soignée, sans parler de la tenue. Maxime dirait, elle pue le fric. Indifférente à l'admiration suscitée, Alissa reste simple, sociable et chaleureuse. Le courant passe immédiatement avec Faustine. Munies de leur liste, les deux femmes parcourent les magasins. Boucheries, fruits et légumes, laiteries. Alissa ne se sert que chez des commerçants indépendants. Il en reste, heureusement, qu'elle présente à Faustine. Les prix sont à la hauteur de la qualité de la marchandise. Alissa n'en a cure. Ça aide de ne pas avoir à compter. Les emplettes remisées dans le coffre par l'étudiant dévoué, Alissa et sa cuisinière reprennent la route. Il leur faudra une bonne demi-heure pour rejoindre la maison. Depuis le portail qui ouvre sur la propriété, la route serpente entre bois, étangs et prairies, où paissent des chevaux superbes. Faustine parie que ce sont tous des purs sang, mais elle ne posera pas la question de crainte de se ridiculiser. Elle n'a jamais vu de domaine aussi grand. Avec Bergman au volant, on se croirait dans un film. La maison est à la hauteur du reste. Sobre, on a évité les tourelles et les faux marbres. De plein pied, un porche accueillant, des fleurs partout. Sans plus attendre, Alissa accompagne sa cuisinière sur son lieu de travail. Cuisine ultra moderne, équipement e-tout. Faustine est contente d'avoir sa mallette avec elle. Pas sûr qu'il y ait un couteau qui ne soit électrique par ici. La cuisinière se met aussitôt au fourneau. Elle commence par le dessert, île flottante, qu'il est le temps de rafraîchir jusqu'au soir. Préparer la crème anglaise, battre les œufs en neige, les saisir dans de l'eau frémissante, ne pas oublier la pointe de sel, confectionner le caramel. Les asperges ensuite sont épluchées, cuites et réservées. La sauce hollandaise suit. Faustine n'a même pas besoin de la rattraper, cette fois elle a réussi. Elle rit intérieurement. C'est sympa d'apprendre en faisant. On dirait qu'elle commence à devenir pro. Regardant le poulet droit dans les yeux, Elle l'entaille audacieusement, sans hésitation, comme si elle savait ce qu'elle faisait. Une fois les os de la poitrine retirés, elle s'occupe des cuisses, puis des ailes. Cela lui prend bien 3 heures. Avec les os retirés, un oignon, 2 carottes, un bouquet garni, elle mijote un bouillon. Elle en arrosera le pain de mie, y ajoutera les abats, foie, gésier, finement haché, des herbes et des épices. Voilà une délicieuse farce terminée. Elle en remplit le poulet, puis recoud à petits points toutes les ouvertures. Ce travail d'orfèvre accompli, on dirait un avorton sans tête. Horreur! Vite, le ficeler différemment, puis le coucher sur son lit de légumes. Enfin, Faustine organise la friture des pommes de terre. Avant de repartir, elle sort les fromages afin qu'ils tempèrent et rafraîchit le pain. Enfin, elle laisse des instructions précises quant à la suite, à savoir mettre le poulet au four 1h30 avant l'arrivée des invités, rissoler les pommes de terre 45 minutes, pas plus, tiédir les asperges, déballer les fromages, les disposer sur le plateau. Toute tâche que l'employé de maison fera en temps et en heure. Alissa est si satisfaite de la bonne tournure de son repas qu'elle allonge 20 dollars de plus. Lorsqu'elle raccompagne Faustine, elle lui confie, sous le sceau du secret, que ce soir elle attend Jackie Kennedy Onassis en personne. Fichtre, voilà qui fera bien sur le CV de la cuisinière. Faustine apprendra plus tard que non, l'ex-première dame n'est pas venue ce soir-là. Tant pis, elle aura eu sa part de rêve. Au soir, Jack rentre comblé par sa pêche. Frank lui a appris quelques astuces et son bidon s'est rempli en moins de 2. Ils ont pique-niqué au bord de l'eau puis sont allés visiter une ancienne réserve indienne où Frank retrouvait autrefois des membres de sa famille. Il avait bien semblé à Faustine que ses veines contenaient du sang indien. De son côté, elle a raconté sa journée et tout cela s'est terminé gaiement devant un plat de pâtes à la sauce tomate. La veille du jour de marché, Faustine, peu sûre d'elle pour changer, se dit qu'il vaut mieux assurer ses arrières. Sans doute que les petits paniers décorés sont bien mignons, mais ça ne suffira peut-être pas à payer son emplacement dans la grand-rue, non plus qu'à rapporter un substantiel bénéfice. La bouffe est niaque, ça de vrai, c'est bien connu. Alors elle confectionne des dizaines de petits choux, comme ceux qui ont eu tant de succès dans le bunker sur la colline. Comme le temps menace d'être beau et chaud, elle évite la chantilly, elle lui préfère du fromage blanc aux herbes pour le salé et de la crème pâtissière vanille et chocolat pour le sucré. Un nuage de sucre glace décore les douceurs. Samedi matin à l'aube, Frank gare son truck devant la porte. Faustine l'attend impatiemment. Elle est épatée par le joli stand qu'il lui a fabriqué. Un véritable petit comptoir, comme celui de l'épicerie avec lequel elle jouait enfant. C'est beaucoup trop beau pour une seule journée de marché. Mais on va pas cracher dans la soupe, n'est-ce pas? La journée terminée, Frank remballera le stand et bricolera autre chose avec. Il le lui a dit. Pour l'heure, Faustine remercie du fond du cœur, puis installe tout son fourbi. Les petits paniers, les plateaux de choux, des serviettes en papier, des guirlandes et des ballons à gonfler une fois sur place. L'emplacement réservé à Faustine est ici dans la grand-rue, à proximité du magasin de June, juste en face de l'épicerie italienne. Elle a de la chance, tout le monde est obligé de passer devant. De là, elle aperçoit pas mal d'autres stands. Vers 11h, Faustine demande à June de garder un œil ouvert sur son stand afin qu'elle puisse guigner un peu chez les autres. A priori, aucun étal ne ressemble au sien. Les autres femmes ont surtout confectionné des conserves, confitures et pickles de toutes sortes, des muffins ou des brownies. Elles ont habillé des boîtes à mouchoirs, assemblé des napperons en patchwork et brodé des serviettes. Un stand d'antiquité attire Faustine, qui s'interroge devant une planche à laver, washboard. Le vendeur lui explique que si elle fut effectivement utilisée autrefois pour laver du linge, elle a depuis été reconvertie en instrument de musique. Il se joue en le plaçant devant la poitrine et en frottant ou tapant dessus avec des dés à coudre. Dans le jazz Nouvelle-Orléans ou le blues, les premiers batteurs les utilisaient pour la partie rythmique. Sur le même stand, Faustine avise un jukebox, une vieille caisse enregistreuse des années 30, des plaques de voitures de divers états, Mississippi, Missouri, Texas, Californie. Ça fait rêver. Et même un 22 Long Rifle et une Winchester avec leurs munitions. Mais ce qu'elle admire le plus, c'est le stand d'artisanat indien. Il présente de minuscules mocassins décorés de perles multicolores, des attrape-rêves, des porte-bébés astucieux avec auvent pour protéger du soleil. Faustine ne s'ennuie pas une seconde et très vite, on arrive à midi. Ses petits choux sont maintenant bien en vue sur le comptoir. Ils remportent un certain succès. Futée, elle n'a sorti que les salés pour commencer. Ils disparaissent en moins de deux. Les gens qui se sont risqués à en acheter reviennent dans les 5 minutes en prendre d'autres. Les choux à la vanille et au chocolat n'ont rien à leur envier. Ils subissent le même sort. Les petits paniers, par contre, ne s'arrachent pas aussi bien. Même si beaucoup s'arrêtent devant, discutent avec Faustine, elle les trouve manifestement « so cute ». Sortir les dollars du porte-monnaie est moins évident. À une personne vraiment intéressée qui se désole de ne pouvoir s'offrir un objet de cette qualité, Faustine demande « Combien vous mettriez-vous si vous pouviez choisir ?»« Bah, je ne sais pas, c'est difficile à dire. »« Mais encore, normalement je devrais le vendre entre 15 et 30 dollars pour m'y retrouver. »« Oh là là, c'est beaucoup trop cher pour moi, je ne dispose que de 5 dollars. »« Et il vous ferait vraiment plaisir à ce prix-là ?» « Oui, bien sûr, mais je ne veux pas vous voler. »« Mais non, voyons, vous ne me volez pas. Prenez-le, on dira que c'est un rabais de première cliente. »« C'est vrai. Oh, merci. C'est vraiment formidable. Merci infiniment. » Malgré ce succès d'estime, Faustine ne vendra plus rien de la journée. Quand 17 heures arrive, elle est bien contente de voir apparaître Frank et Jack au milieu des badauds. En 5 secs, ils l'aident à remballer. Ils sont pressés. Le rodéo commence à 18 heures. Si on veut trouver de bonnes places, il faut se grouiller. Il y a déjà foule quand le trio arrive et les gradins sont aux 3/4 pleins. C'est un petit rodéo de village de moindre importance. Frank explique qu'exceptionnellement, à la place du défilé d'ouverture habituel, ils ont engagé des pom-pom girls pour lancer les festivités. Jacques, malicieux, interroge Faustine. « C'est quoi, les pom-pom girls ?»« Les copines des poire-poire boys ?»« Ha ha ha, non, tu ne connais pas. On les appelle aussi des cheerleaders. » C'est une très vieille histoire qui date de 1880. En ce temps-là, pour éviter que les spectateurs se battent avec l'équipe adverse, les joueurs remplaçants ont eu l'idée de lancer des slogans et des encouragements depuis le banc de touche. Ça canalisait un peu l'agressivité. Au début, il n'y avait que des hommes. Mais à partir de 1923, les femmes ont été acceptées. Aujourd'hui, les équipes de cheerleaders sont féminines à 80%. Et les performances sont devenues de plus en plus pointues. Elle mêle la danse et les acrobaties, soit avec des pompons, soit avec des bâtons, et anime les cérémonies d'ouverture de tous les grands matchs. On peut même assister à des concours internationaux. Ah ben, c'est vraiment chouette. Et d'après ce que je vois, ce sont des vraies prouesses sportives. Faustine admire les performances de ces jeunes femmes. Elle ne sait pas trop si elle doit rire ou rougir à les écouter encourager les cow-boys comme elles le font. Elles y mettent vraiment tout leur cœur. Sitôt les cris et slogans épuisés, elles entonnent l'hymne national la main sur le cœur. Tous les spectateurs se sont levés et chantent avec elles leur allégeance au drapeau. Faustine et Jack, eux, se contentent de faire semblant. « Ah, voilà les premiers chevaux, » dit Franck. « Vous n'avez jamais assisté à un rodéo ?»« Non, jamais, c'est notre première fois. » »« Soyez attentifs, alors. » Ce soir, nous allons voir 3 épreuves différentes. La première sera le bronc riding, où le cavalier doit tenir 8 secondes sur son cheval, une fois avec la selle, une fois sans. Une dizaine de cavaliers sont en lice et se font éjecter les uns après les autres. Faustine se demande si ça fait vraiment mal de tomber de cheval. Ces gars ont une souplesse incroyable. Après les chevaux, on passe au taureau. Le bull riding, ça s'appelle. Pareil que pour les étalons, il s'agit de rester 8 secondes en selle. Mais cette fois, en se tenant d'une seule main. La dernière épreuve, enfin, consiste à attraper un petit veau au galop, de le faire tomber, puis de lui ligoter les pattes avant et arrière en un minimum de temps. Alors, ça vous a plu les jeunes? Oui, c'est très intéressant. Merci de nous avoir fait connaître cette partie du folklore américain, Franck. Quelle journée! Nos lascars vont se coucher, des étoiles dans les yeux, des airs de fanfare plein les oreilles. Demain est un autre jour qui verra à la fois les débuts au restaurant de Faustine et le retour de Maxime.